ces épines douloureuses, t'étais dans mon ventre. J'ai dû avaler la couronne d'un Christ, tout simplement, j'ai peur. Baby, baby, please. Parle de toi, parle de moi, parle de tout. Baby, baby, please. Je suis là, debout, seul, avec mon sexe dans la main. Baby, baby, please. Écrasé par la lente évolution de mes atomes fous. J'ai tout vu des cris, extase et des mots mélangés. Tellement heureux que je vais revenir. Il y a quelque chose d'humain chez moi qui parfois m'impose. Please, baby, baby, please. Sentiment pesant, horriblement chrétien. Je crois bien que je t'aime. Je suis amoureux d'une amoureuse monstrueuse. Please, baby, baby, please. Je me sens bien qu'au fond de toi. L'âme se sentir bien de tout dire. Baby, baby, please. Quand la nuit tue dans mon âme, c'est comme baby, baby, dans ta bouche. Parfumer tes lèvres, goût de mort. Celui dans ta cigarette qui me domine. C'est sûr, Dieu n'existe plus que toi. J'aimerais avaler tes seins l'un après l'autre sans les lâcher. Arracher ton masque de femme pour apaiser mes rages de sang et de foutre. Baby, baby, please. J'ai au bas du ventre un étna, un Vésuve qui ne veut pas s'éteindre. Une seule détermination, la certitude de l'urgence. M'engloutir en extase. Ressentir la canicule entre tes jambes. Moi qui crains tant la chaleur et la puissance. Baby, baby, please. Redécouvrir le sexe des choses. Please, baby, baby, please. Mais pas trop m'éloigner de la fontaine du temple où s'écoule ma douloureuse résine. Please, baby, baby, please. M'enfoncer profond dans ta matière céleste. Please, baby, baby, please. Dieu, ne me pardonne pas, je sais très bien ce que je fais. La famille exhibitionniste de mon festin. Please, baby, baby, please. Même quand mon amour se dégage mal de mes viscères, toutes mes fantaisies m'arrachent le lustre. Baby, baby, please. Tu mets toutes les salopes baroques et tous les anges d'or, toutes les aphrodites et toutes les salomées. Baby, baby, please. Je ne serai plus la victime passive de mon réveil difficile. Baby, baby, please. Tu m'as fait dolmancer pour coucher dans ton lit mes longues insomnies. Histoire de l'œil gentiment suicidaire, la plus belle de mon attente. Please, baby, baby, please. Ce n'est qu'en année de lumière que je parviendrai à mesurer la radiation de ton regard sur moi. Thermonucléarisé, il ne reste plus que des cendres au fond de moi.